Allô ? Madame Oui ? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je vous appelle parce que j'ai lu la publicité, vous savez, sur tout ce que vous faites, etc., etc. Ok, je vous écoute. Voilà, donc j'ai vu que, j'ai lu surtout la phrase « Il n'existe pas de mots assez forts pour vous remercier ». Oui, c'est exact. Eh ben voilà, eh bien si, il y en a un. Escro ! C'était assez fort ? Oui. Je peux vous refaire un mot plus fort, si vous voulez. Escro ! Là, c'était fort, là. Ah oui. Grâce à vous, je vais vous faire un petit chèque parce que je me sens mieux maintenant. Ah, vous allez me faire un petit chèque? Finalement, non. Je peux vous faire des jeux, mais je me sens mieux quand même. Merci, madame. Dites-moi, monsieur. Oui, madame. Vous êtes en train de vous amuser de moi, là? Du tout, madame. Vous êtes sur table d'écoute, là, monsieur. C'est parce vrai? Que vous travaillez avec la police, en plus. C'est pas vrai. Mais c'est la vérité. C'est pas vrai. Eh bien, oui, monsieur. Oh, c'est je viens de me faire avoir. Ah, oh, excusez-moi, alors. Je reconnais bien votre voix, monsieur. Dites-moi, madame, alors qui suis-je? Vous êtes tout étonné. Dites-moi, j'ai votre numéro de téléphone devant mes yeux, là. C'est pas vrai. Eh oui, mon permis. C'est pas vrai. Madame Gugel, elle est très forte, heureusement pour elle-même, d'ailleurs. Mais je vois bien que madame Gugel est très forte. Mmh. Je suis très étonné moi-même. Vous êtes étonné? Ah, je suis désolé, alors. Je pensais pas que vous étiez si forte que ça. Je retire escroc. Comment? Je retire ce que j'ai dit quand j'ai dit escroc, je retire. Ouais, escroc, je suis pas un escroc, madame. Bah non, monsieur, moi, c'est monsieur. Monsieur, mais c'est pas grave, excusez-moi. Vous, madame, monsieur. Mais je retire. Je suis pas un escroc du tout, monsieur. Bah, il y en a peut-être des escrocs dans le monde entier, oui, il y en a pas mal. Absolument, mais je retire ce que j'ai dit. Vous en faites peut-être partie, monsieur, figurez-vous. Alors écoutez bien, monsieur, n'essayez pas de rappeler, ça sert à rien. Parce que vous voyez, je travaille avec toutes les polices de France internationale. Hein, ça, c'est regrettable pour vous, hein. Bah, madame Moulin, je suis désolé. Madame Moulin, non, c'est pas madame Moulin. Je suis désolé quand j'ai dit escroc, ouais, je suis vraiment... Il faut pas raconter n'importe quoi, je pensais monsieur. Pas que vous étiez si forte que vous ça. Vous pourriez être sur la route et avoir besoin de moi, monsieur. On peut pas savoir, monsieur. Absolument. Donc je voulais vous dire, vraiment vous dire désolé. Je retire escroc, madame. Oui, mais il n'y a pas qu'escroc, monsieur. Vous n'avez pas m'appelé pour me raconter vos conneries. Je rajoute malhonnête. Oui, c'est de la malhonnêteté, envers une femme. Oui, je sais. Une femme qui a autant de dons. Ah, il y a le petit chien qui est... Il y a Scraps qui est pas content. Non, il est pas content après vous. C'est après moi ? Moi, j'ai rien fait à cet animal. Oui, mais il écoute sa maîtresse. Bah, je vous remercie, madame, en tout cas, et puis je retire escroc. Hein. C'est tout, appeler escroc ? Les gens ? Bah, les gens, non, mais vous, un peu quand même. Hein. Les gens qui sortent du coma, machin et tout, voilà, c'est tout. Oui, ça vous a fait plaisir de vous défouler, mon cher ami. Hein. C'est vrai. Non, je dois dire, là, c'est vrai. On se défoule pas sur quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Hein ? Bah, c'est pas faux non plus. Vous voulez qu'on se connaisse plus ? Non, c'est pas la peine. Vous voulez, je vous invite à dîner un soir ? Non, ça m'intéresse pas. Boire un verre ? Non plus. Mais vu ce que vous venez de me dire, je refuse, monsieur. Un café ? Bon, un café ? Non plus ! Je vous invite au cinéma. Vous êtes un salopard. Ah non, bah parce que je vous invite à boire un café. Voilà, vous faire foutre. Tu vas... On ira voir un film. Salopard, enculé de sa race, dis donc. Hein ? Il ose raconter des conneries à une femme. Madame. Alors qu'il est très honnête, hein. Restez poli, hein, je vous invite Karine, ici. Hein ? Je vous invite à boire un café. Non, je m'en fous de votre café, moi. Deux, moi, alors avec une sucrète, je vous donnerai... Du café chez moi, je préfère. Bah, invitez-moi à boire un verre chez vous, alors. Non, je vous inviterai pas. Avec des petits beurres. Vous êtes trop méchant. Mais non, oh... Vous êtes trop méchant vis-à-vis de moi, monsieur. Moi, je suis pas méchant, je vous invite à prendre un petit café. Vous aurez même une petite madeleine, oui, si vous voulez. Oui, une petite, je veux rien du tout de vous. Une grosse madeleine, alors. Arrêtez votre rigolade. Je vous ai invité, et hein. Pensez plutôt à travailler, monsieur, ça servirait à quelque chose de bien. Pensez à, pardon. À travailler plutôt. Excusez-moi, mais. Faut que je passe mon diplôme. Je vais vous dire vraiment, vous feriez mieux de travailler que de te dire des bêtises aux gens. Voilà. Alors maintenant, je vous laisse. Un petit café ?